Bonjour, aujourd'hui je suis content. Je suis content parce que, bon, l'oiseau moqueur, il a fait une belle job. Il a fait vraiment une bonne vidéo. Puis je vais vous la partager, je vais vous la mettre dans la description. Puis chose que habituellement je fais pas, je vais vous demander si c'est possible d'essayer de faire ce que vous pouvez pour lui accorder une certaine visibilité. Là, c'est important de comprendre que c'est pas une attaque. C'est pas une attaque personnelle. Ça. Puis de comprendre aussi que ce qui est décrit dans le fond, c'est des victimes. Des victimes qui reproduisent un comportement, semble-t-il. Donc, aussi par rapport à certaines théories soucoupistes, de regarder toutes les hypothèses de travail, puis de vous demander sérieusement qu'est-ce qui est le plus plausible. Parce que depuis une quinzaine d'années, il y a un paquet de choses qui s'accumulent. Un paquet de choses qui s'accumulent. Puis depuis maintenant plusieurs siècles, il y a une inversion systématique des choses. Il y a de la désinformation systématique. C'est réellement une guerre sur tous les plans. C'est pas juste spirituel. Ça va se densifier dans la matière. On le voit avec ce qui se passe avec la Russie, entre autres. Donc, mon chat, il veut venir me voir. Il me lâche pas. Une vraie obsession. En tout cas, donc, c'est une guerre systématique. Systémique. C'est sur tous les plans. Puis, il reste qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que qui n'a dit mot consent? Donc, je vous le demande, si on regarde toutes les hypothèses de travail, qu'est-ce qui est le plus plausible? Puis, ça fait vraiment plusieurs siècles qu'on assiste à des inversions totales. Des inversions totales. Prenez juste le cas de Raspoutine. Comment Raspoutine a été systématiquement sali, comment qu'il y a la trace des Britanniques là-dedans. Comment les Britanniques, au niveau des familles royales, qui sont d'origine germanique, il y a toujours eu une tendance à se sacrifier entre eux, d'une certaine façon, à se faire la guerre entre eux. Je pense que Alexandra, l'impératrice Alexandra avait totalement pris le parti de la Russie et qu'elle était totalement dévouée à son peuple et que sa famille ne lui a pas pardonné. Et qu'entre autres, ça explique pourquoi les services anglais ont tout fait pour les tuer carrément là. Les Romanov, on les a descendus dans une cave, on leur a dit, là, faut prendre une photo pour prouver que vous êtes encore en vie. Il y avait un appareil photo avec vous savez, un drap noir, comme il y avait à l'époque. Puis finalement, quand ils ont enlevé le drap, c'était une mitrailleuse. Une vieille mitrailleuse à manivelle, une vieille cochonnerie en plus. Puis ils ont été tirés comme même des lapins, on tue pas ça comme ça. Je veux dire, même du gibier, on est plus respectueux que ça. Puis je vous demande, pourquoi est-ce qu'à notre époque, les groupes Nouvel Âge nous présentent Philippe de Lion comme un saint? Comme un saint, alors que ça aboutit à l'ordre martiniste, à l'Église gnostique de France. Il y a de plus en plus de témoignages qui s'accumulent par rapport à toutes sortes de choses qui sont plus que discutables. Comment ça se fait que les Nouvel Âgeux nous présentent Philippe de Lion comme un saint, puis en parfait accord avec les services de salissage anglais, nous présentent Grégory Efimovitch Raspoutine comme un monstre qu'il n'était pas, et que par après, Hollywood a sali, que même les studios britanniques ont sali le plus possible. Alors qu'il n'y a aucune preuve que Raspoutine n'a jamais été avec les Clichés. Pour ce qui est de la doctrine sabbato-franquiste de rédemption par le péché, il n'y a réellement aucune vraie preuve sérieuse que c'était la doctrine de Raspoutine. Puis on peut se poser la question à savoir, est-ce que Philippe de Lion n'était pas simplement juste un hypnotiseur, un magnétiseur? Alors que peut-être que Raspoutine était un saint. Un saint qui a tout fait pour sauver la Russie, qui a tout fait pour sauver la Russie, réellement, là. Puis, il y a beaucoup de missives qu'il envoyait au couple impérial. C'était la voix de la raison. C'était la voix de la raison. Vous pensez que c'est Youssoupov qui a tué Raspoutine? Vous ne voyez pas la marque des services britanniques derrière ça? Ils l'avouent eux-mêmes. Ils l'avouent eux-mêmes. Puis, on a sali Raspoutine, qui est Vraiment, je crois même pas les 9 dixièmes des horreurs qui sont rapportées sur lui. Je suis persuadé que c'est faux. Et Rasputin, qui avait été entre autres initié à l'orthodoxie grecque, qui avait beaucoup voyagé, qui, je suis persuadé que c'était pas le monstre qu'on nous décrit. Mais nous vivons depuis plusieurs siècles dans une guerre de l'information où tout est systématiquement inversé. Donc, de comprendre que la vidéo de l'oiseau moqueur, c'est une réponse. C'est une réponse ajustée. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs années, moi, j'avais émis certaines hypothèses de travail, puis c'était systématiquement enlevé. Je l'ai subi avant que ça devienne systématique, la censure. Ils veulent pas en entendre parler. Pourtant, là, c'est dommage, mais les pièces de casse-tête commencent à se placer. Puis là, on approche du 24 février, puis je suis pas tranquille avec ça, mais pas du tout. Vraiment pas du tout. Là, justement, dans la vidéo de l'oiseau moqueur, il y a un extrait où il y a un monsieur qui, l'air de rien, nous fait la promotion du végétarisme. Même le curé d'Ars mangeait de la viande deux fois par jour. Bon, au début, il mangeait juste des patates, là, puis des fois, il les mangeait moisies. Mais à un moment donné, il se rend compte, qu'est-ce qui est sain, puis qu'est-ce qui est malsain? Réellement. Puis, au niveau d'une guerre comme ça, moi, ce que je dis, c'est qu'il y a juste des victimes. Puis, il va y avoir juste des perdants si on ne se rend pas compte à quel point le péril est immense. Immense. Réellement, là. C'est même qu'on n'a jamais été aussi près d'une catastrophe au niveau de l'humanité. Même, j'irais jusqu'à dire, une métastrophe. Aussi grave. C'est pour ça que va falloir s'aligner le cœur avec la tête, que ça fasse un rayon puis s'accrocher solide après ça. Puis pas être impressionnable. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui va arriver, rester intègre, garder son intégrité. Puis là, il y a des petits comiques qui réapparaissent pour venir dire à l'oiseau moqueur d'aller profiter du silence dans la nature. Dans le fond, on dit de fermer sa gueule. Moi, je trouve qu'il fait preuve d'énormément de courage, l'oiseau moqueur. Puis je le répète, c'est pas une attaque ce qu'il fait. C'est une réponse ajustée. Nous avons des questionnements légitimes. Donc, je vais vous mettre ça en description, la vidéo. Puis, chose que je fais rarement, je vous demanderai de lui accorder de la visibilité, si vous pouvez. Puis, l'oiseau moqueur fait preuve de courage. Réellement, là, d'un courage, puis il fait preuve de ce qu'on appelait anciennement « virtus ». OK? Donc, c'est réellement virtueux. Puis au niveau de valeur, qu'est-ce que ça voulait dire anciennement? Être valeureux. Quelqu'un de valeureux. Donc, vous faites ce que vous voulez avec ça, mais nous nous en allons vers des temps troublés, des temps où nous avons été prévenus que ça arriverait. Nous avons été prévenus que ça arriverait, puis il va falloir être extrêmement solide, autant psychologiquement que sur tout le reste. Sur tout le reste. Donc, salutations à nos amis qui sont liés possiblement à l'orthodoxie grecque, à l'orthodoxie russe. Salutations à nos amis catholiques, même ceux qui me considèrent comme un ennemi. Sachez que au niveau d'ennemis, nous avons tous les mêmes ennemis. Nous avons tous les mêmes ennemis et c'est pas nous qui déclarons la guerre à l'humanité, c'est pas nous qui avons choisi les terrains. Mais il va falloir parfois avoir le courage de prendre position. Parce que si on le fait pas, de toute façon, on va être amené à tirer comme par l'oreille de force et forcer à prendre position. Parce que dans un monde qui part en vrille, qui devient réellement n'importe quoi, à un moment donné, on n'aura pas le choix. Qui ne dit mot consent, puis tout le monde va avoir un rôle à jouer. Parce que on peut pas faire comme si on n'était pas là ou comme s'il ne se passait rien. Puis, possiblement aussi de comprendre que c'est une guerre contre l'Occident, entre autres, mais pas seulement. Puis, qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Prenez des nouvelles enjeux comme la Blavatsky, elle venait d'où? Elle venait d'Ukraine. De comprendre que derrière les rideaux, il y a des enjeux liés à tous les peuples, réellement tous les peuples. Pourquoi on disait anciennement la Russie est appelée la Sainte Russie? Pourquoi qui est sous l'emprise de force depuis la mort des Romanov, qui finalement, c'est pour ça que j'ai jamais été non plus du côté de Poutine. Parce qu'à mes yeux, c'est du théâtre. C'est réellement une guerre d'État. C'est des États qui font la guerre aux populations, au fond. Puis pour eux, ils voient ça comme de la gestion. C'est une façon de gérer la ressource. Preuve qu'ils sont complètement déshumanisés. C'est vraiment n'importe quoi. Donc, je vous mets le lien de la vidéo de l'oiseau moqueur en description. Puis pour ce qui est du reste de votre positionnement, ben ça, c'est laissé à votre discrétion. Mais comme je vous dis, on vient à des temps, on en arrive à des temps où nous n'aurons pas le choix de nous positionner. Nous n'aurons pas le choix. Parce que le réel a une politique du fait accompli. Donc, nous allons être mis devant. Nous allons être mis dedans. Nous allons être forcés. C'est pas moi qui choisis le terrain. C'est pas moi non plus qui a déclaré la guerre. Puis, ça a été commencé bien avant notre naissance. Mais peut-être que nous allons voir la finalité de notre vivant. Nous vivons réellement des temps extraordinaires. Donc, aussi, salutations aux catholiques qui font preuve de courage sans être nécessairement fanatiques ni dogmatiques. Puis c'est pareil pour toutes les autres. Comme on disait, paix, paix aux hommes de bonne volonté. Puis quand on dit ça inclut aussi la femme, là. Pas besoin de tomber dans de la novlangue, hein? Bonne journée.